Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Les activités humaines, telles que la combustion de combustibles fossiles, la déforestation et l'agriculture intensive, ont augmenté les niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, entraînant une augmentation des températures moyennes à travers le monde. Cette augmentation de température a des conséquences graves et durables sur l'environnement, la santé humaine, les économies et les sociétés du monde entier. Le changement climatique est responsable de nombreux événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur, les ouragans et les tempêtes. Ces phénomènes météorologiques extrêmes peuvent causer des dommages matériels et humains considérables ainsi que des pertes économiques. Les pays les plus pauvres et les plus vulnérables sont les plus touchés par ces événements climatiques extrêmes qui ont des conséquences désastreuses sur les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la santé. Le changement climatique a également un impact sur les écosystèmes terrestres et marins. Les écosystèmes terrestres sont soumis à des pressions accrues en raison de l'augmentation des températures, de la diminution des précipitations et de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des feux de forêt. Les écosystèmes marins sont soumis à des stress similaires, notamment une augmentation de la température de l'eau, une acidification accrue et une perte de biodiversité. Pour lutter contre le changement climatique, il est nécessaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre en mettant en place des politiques et des mesures visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à favoriser l'utilisation de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire. Il est également important de favoriser la conservation des forêts et des autres écosystèmes naturels pour stocker le carbone et préserver la biodiversité. Des actions sont nécessaires à tous les niveaux, depuis les gouvernements nationaux jusqu'aux individus, pour faire face au changement climatique. Les entreprises peuvent jouer un rôle important en investissant dans des technologies à faible émission de carbone et en adoptant des pratiques commerciales durables. Les consommateurs peuvent également contribuer en adoptant des modes de vie plus durables, tels que la réduction de la consommation d'énergie et la promotion des produits locaux. Le changement climatique est un problème complexe et multifacette qui nécessite une réponse globale et coordonnée. Il est important de travailler ensemble pour trouver des solutions durables pour préserver notre planète et garantir un avenir durable pour les générations à venir.